J'aime les photos d'Alicia, je n'en ai rien à foutre des tiennes. Alicia met du mascara, toi tu bois du vin au réveil. J'ai des grosses couilles de pervers et je ne veux pas tes SMS. Pour moi le sexe c'est un mystère, oh j'ai tellement goûté tes fesses. Ta jalousie vaincra. Oh oh oh oh oh oh oh. Non, je ne t'aime pas. Oui, je veux toutes me les faire une par une et sans répit. Et quand je n'aurai plus rien à faire, j'irai me faire branler par Stacy. Tes fidélités à deux francs sont des histoires de Moyen-Âge créées dans les rêves des enfants. Je n'en suis plus un, c'est dommage. Oh oh oh oh oh oh oh. Ta jalousie vaincra. Oh.